إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله l'intitulé du cours concerne certaines notions, règles du mois de Ramadan et du jeûne durant ce moment béni, durant ce mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, qui est le 9e mois du calendrier musulman, c'est le nom de ce mois qui s'appelle Ramadan, durant lequel Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné le jeûne en l'an 2 de l'Hégire. Et il en a fait un des 5 piliers de l'islam. Inna attafaqquha fi ahkam as-siyam mimma yu'inu al-muslim ala ada'i sawmihi ala al-wajh al-mashru'. D'apprendre les règles, les notions concernant le jeûne, c'est ce qui va aider le musulman pour jeûner de la manière qui est légiférée, la manière qui est agréée et acceptée d'Allah tabaraka wa ta'ala. فتفقهوا في صيامكم حتى لا تقعوا فيما يفسده أو فيما ينقص أجره ومثوبته. Apprenez donc les règles du jeûne pour ne pas tomber dans ce qui va le rendre caduque, ce qui va l'annuler ou qui va diminuer de sa récompense. Ou fima yurithukum ash-shakk wal-ittirab wal-hira, ou alors vous allez tomber dans des choses qui vont vous mettre dans le doute. Wa hatta la tamna'u anfusakum shay'an abahahu Allah lakum ou taqa'u fi shay'in harramahu Allah 'alaykum ou karihahu lakum. Ou alors vous allez vous priver d'une chose dont Allah vous a autorisé, ou alors commettre une chose qu'Allah vous a interdit, ou de tomber dans une chose qui est détestée par Allah Azza wa Jal. Inna sawm Ramadan wajib bal huwa ruknun min arkan al-islam. Le jeûne du mois de Ramadan est un devoir, une obligation, bien plus, c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Inna ash-shahr yadkhulu bi ahadi amrayn bi ru'yati hilal Ramadan fa in lam yura fa bi ikmal 'iddati ash-sha'ban 30 yawman. On reconnaît l'entrée du mois de Ramadan d'une des deux façons connues dans la religion. L'une, c'est la vision lunaire. C'est qu'on a vu le nouveau croissant de lune qui nous montre que c'est le début du mois de Ramadan. Et il en est ainsi pour tous les mois lunaires. Le calendrier musulman est un calendrier lunaire. Il a au minimum 29 jours, maximum 30 jours. Et chaque mois, il a soit 29 ou soit 30 selon la vision du croissant de lune. Si au 29 au soir, on n'a pas pu voir le croissant de lune, alors on termine le mois en cours 30 jours. Ala al-muslim an yubayyit an-niyyah min al-layl fala yatlu alayhi al-fajr إلا وهو ناو الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه الإمام النسائي. Le musulman se doit d'avoir l'intention de jeûner pendant la nuit, avant le lever de l'aube. Ceci concerne le jeûne obligatoire, et ici en l'occurrence, le jeûne du mois de Ramadan. Donc, l'heure de l'Fajr n'entre que lorsque lui, il a l'intention déjà auparavant de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner durant la nuit, et je répète, ici ça concerne le jeûne obligatoire, ici en l'occurrence le jeûne de Ramadan. Celui qui n'en a pas eu l'intention durant la nuit, alors il n'y aura pas de jeûne pour lui. Rapporté par l'imam Nasa'i. وَمَنْ تَسَحَّرَ أَوْ حَدَّثَ نَفْسَهُ أَنَّهُ يَصُومُ غَدًا فَهَذِهِ نِيَّةٌ صَحِيحَةٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. Celui qui s'est levé en fin de nuit, avant le Fajr, pour prendre le repas, qu'on appelle al-sahur, durant la fin de la nuit, c'est une forme d'intention qu'il a de jeûner. Ou il s'est dit au fond de lui-même qu'il a l'intention de jeûner. Donc ça, c'est une intention qui est valide et acceptable. Walhamdulillah. Wal-niyyatu mahalluha al-qalb. Wal-talaffudhu biha bid'a. Et la niyya, l'intention, son lieu, son endroit, c'est le cœur. C'est à l'intérieur de la personne. Il n'y a pas besoin de le formuler de par la langue, car ceci fera tomber la personne dans l'innovation. C'est-à-dire que la personne légifère une chose qui est contraire à la tradition du prophète alayhi salatu wa salam. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui fait une action qui est contraire à notre enseignement, ceci est à rejeter. Donc on ne formule pas avec la langue l'intention, mais c'est son lieu, c'est dans le cœur. لا يحل لمسلم مكلف أن يفطر في نهار رمضان إلا من عذر شرعي كالمرض أو السفر لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Il n'est pas permis, il est interdit à un musulman mukallaf, c'est-à-dire qui est en âge de la puberté, qui est la véritable âge de la maturité. C'est la maturité reconnue en religion. En islam, une personne, dès qu'elle est pubère, elle est majeure. C'est-à-dire qu'elle est responsable de ses actes et lui incombe, ce qui incombe à tout musulman mature, qui atteint l'âge de la majorité. En islam, l'âge de la puberté se reconnaît par des signes qu'on retrouve chez le garçon et la fille, et des signes qui sont propres à la fille. Si ces signes n'apparaissent pas, ça dépend des enfants, ça peut être à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Si ça n'apparaît pas, l'âge qui est reconnu dans la religion et qui est pris en considération, c'est 15 ans. Donc à ce moment-là, s'il n'y a pas eu les signes auparavant, à partir de 15 ans, cet enfant devient majeur religieusement parlant, et il lui incombe ce qui incombe à tout musulman comme règle de l'islam. Donc il est interdit à tout musulman qui a, depuis qu'il a atteint l'âge de la puberté, de ne pas jeûner un jour parmi les jours de Ramadan, sauf s'il a une excuse reconnue dans la religion. Une excuse comme la maladie ou alors le voyage. Comme Allah nous le dit dans le Coran, dans le sens du verset: et celui parmi vous qui est malade ou alors en état de voyage, alors qu'il rattrape des jours semblables à ceux qui n'ont pas été jeûnés à cause de la maladie ou à cause du voyage. Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Al-ha'id wal-nufasa لا يصح منهما الصوم بل تفطران ثم تقضيان بعد ذلك. La femme qui a ses menstrues, qui a ses règles, le sang qui coule pendant quelques jours, une fois tous les mois en règle générale, Il y a Nufasa, c'est la femme qui a les louchis. C'est le sang qui coule après l'accouchement. Le maximum de ces jours, des louchis, c'est 40 jours. Après cela, ce ne sont plus des louchis. Et il n'y a pas de durée minimale. Durant ces périodes-là, la femme qui est en état de menstrue ou en état de louchis, le jeûne n'est pas accepté d'elle. Ce n'est pas seulement qu'elle peut ne pas jeûner, il lui est interdit de jeûner. Le jugement pour cette femme, c'est de ne pas jeûner. Et si elle jeûne, ceci n'est pas accepté d'elle et elle commet un péché. Elle n'a pas le droit de jeûner. Donc elle devra manger et plus tard, lorsqu'elle le pourra, elle devra rattraper tous ses jours non jeûnés. من كان لا يستطيع الصوم لكبر أو لمرض مزمن مستمر لا يرجى شفاؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع وله أن يطعمه طعاما يشبعه. Celui qui ne peut pas jeûner car il a atteint un âge avancé, il est très âgé. Une personne qui est très vieux, donc il a des difficultés à jeûner à cause de son âge. Ou une personne qui est atteinte d'une maladie incurable, dont de par expérience on sait qu'on ne guérit pas de cette maladie. Donc cette maladie va l'accompagner durant toute sa vie. Ces personnes-là donc pourront ne pas jeûner. Ils pourront manger. Et puisqu'ils ne pourront jamais rattraper, normalement ils ne pourront jamais rattraper le jeûne, il leur est demandé de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné se fait de deux manières. Soit en donnant au pauvre des denrées alimentaires, comme ce qu'on donne à Zakat al-Fitr. Vous avez vu la nourriture qu'on donne à Zakat al-Fitr ? La même chose, seulement la quantité elle est de moitié. Si pour Zakat al-Fitr par exemple, on donnait 2 kilos de riz, alors pour l'expiation ici, il devra donner 1 kilo. La moitié de ce qu'on donne à Zakat al-Fitr. Sinon, il doit nourrir le pauvre. Un repas complet, d'accord, avec sa boisson. Donc un repas, une formule, ou un repas, ou alors un grand plat avec de la boisson. Et il compte le nombre de pauvres qui mangent. On dit bien les pauvres. Parce que parfois des gens ramènent de la nourriture à la mosquée. Mais à la mosquée, tout le monde mange. Il y a toutes les catégories des gens. Et beaucoup d'entre eux ne sont pas des pauvres. Donc ceci n'est pas pris en compte. Donc il faut que ce soit des gens pauvres dans le besoin. Comme à titre d'exemple, de nos jours, les réfugiés. Syriens, Soudanais et autres, parmi les musulmans, quelqu'un peut leur donner à manger soit des plats préparés ou soit des denrées alimentaires comme on a vu précédemment. L'ilmaridi bisoukari en yasta'mil al-ibra allati tudrabu tahta al-jild athna al-siyam wa la haraja alayhi kama aftat bithalika al-lajnatu al-da'ima lil-ifta. Le diabète, hein, celui qui atteint de la maladie, du diabète à cause du sucre, celui-là, il n'y a pas de mal pour lui de se piquer avec la seringue qui est réservée à ceux qui ont cette maladie de diabète, hein, donc sur leur ventre ou autre endroit. Il n'y a pas de mal en cela, comme il y a la fatwa qui le permet de al-lajna al-da'ima lil-ifta. Mais si il ne trouve pas de mal à retarder cela pour le faire durant la nuit, c'est mieux. Mais s'il le fait dans le jour, car il n'a pas le choix, il ne peut pas patienter, il n'y a pas de mal en cela et cela ne nuit pas à son jeûne. Wal musabu bir-rabu wa dhiq at-tanaffus إن كان دواؤه غازا يستنشقه فله استعماله إذا احتاج إليه أثناء الصيام ولا قضاء عليه. Celui qui a des problèmes de respiration. Celui qui est asthmatique. Et donc qui se sert de la ventoline. Il n'y a pas de mal à s'en servir durant le jour de Ramadan pendant son jeûne. Cela ne vient pas annuler le jeûne et il n'aura pas de jour à rattraper. وَإِنْ كَانَ الدَّوَاءُ حُبُوبًا أَوْ شَرَابًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ إِسْتِعْمَالُهُ أَثْنَاءَ الصَّوْمِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُضْطَرًّا إِلَيْهِ فَيَشْرَبُهُ وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ. Mais si le soin qu'il prend, ce sont des capsules ou des comprimés ou des lotions à boire, alors, et qu'il n'a pas le choix, il ne peut pas attendre la nuit, alors il prendra son médicament, il ne pourra pas jeûner ce jour-là et il devra rattraper un nombre de jours similaires plus tard. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم موتاهم. Nous invoquons Allah de guérir, de donner pleine guérison à tous les malades parmi les musulmans et de prendre dans sa miséricorde leur mort. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. D'après Abu Huraira رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui a en état de jeûne durant le jour de jeûne, qui a oublié et il en est arrivé à boire ou à manger, puis il s'est rappelé de son jeûne, qu'il complète sa journée en jeûne, car en réalité c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que du fait qu'il était dans l'oubli, il ne l'a pas fait volontairement, il n'aura pas à rattraper ce jour de jeûne. C'est Allah qui l'a nourri et qui lui a donné à boire. هذا من فضل الله ومنته وكرمه أن عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. Ça c'est parmi les bienfaits, la bonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il a fait don à sa communauté, qu'il ne leur fait nul grief, il leur a pardonné lorsqu'ils commettent une chose par oubli ou par erreur. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه. D'après Anas ibn Malik رضي الله عنه qui dit: le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: prenez le repas de fin de nuit, car il y a dans le sahur, qui est ce repas-là pris en fin de nuit, une bénédiction, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. As-sahur, avec une fatha sur le sin, ma yu'kalu fi waqti sahar. C'est le repas, ce repas-là, qui est pris en fin de nuit, durant le moment qu'on appelle as-sahar. Wa sahar huwa akhir al-layl. C'est la fin de nuit. Ce repas pris en fin de nuit, on l'appelle as-sahur, avec un fatha. بالفتح على السين والسحور بضم السين. السحور avec une dhamma sur le sin, c'est l'action de manger durant ce moment de nuit, de fin de nuit. Cette action, on l'appelle as-suhur. Et le repas pris pendant ce moment-là, il s'appelle as-sahur avec un fatha. Et il y a une bénédiction de prendre le repas durant ce moment-là. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. رواه أحمد وصححه الألباني. Donc d'après Jabir ibn Abdullah que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui a l'intention, celui qui veut jeûner alors qu'il prenne le repas de fin de nuit par quoi que ce soit, quelle que soit cette part de repas, rapportée par Ahmed et authentifiée par l'Albani. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala rasulullah صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد وحسنه الألباني. Et d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le suhoor est un repas béni, ne le délaissez pas, ne vous en privez pas, fût-il même que l'un d'entre vous prenne qu'une seule gorgée d'eau durant ce moment-là, car Allah et ses anges prient sur ceux qui prennent leur repas en fin de nuit. Rapporté par Ahmed et rendu bon par l'Albani. Wa an Abi Hurayrah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: ni'ma sahur al-mu'min at-tamr. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu al-Albani. Et d'après Abu Hurayrah radiyallahu anhu, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quel bon sahur, quel bon repas de fin de nuit que les dattes. Hein, donc, même si quelqu'un prend que des dattes, il y a de la bénédiction et c'est un bon repas durant ce moment-là. Et si quelqu'un prend un autre repas, ou boit de l'eau ou de la boisson, qu'il ne se prive pas d'accompagner cela avec des dattes pour gagner cette bénédiction et pour gagner ce mérite-là. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. فينبغي للصائم أن لا يدع السحور ولو قليلا. Donc il convient au jeûneur de ne pas délaisser le repas de fin de nuit même s'il prend peu. وهذه البركة لا ينبغي أن تضيع. Et nul ne doit se priver de cette bénédiction, il ne doit pas la perdre. بل ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها يستعين بذلك على أعمال النهار الدينية والدنيوية. Donc il convient aux croyants de prendre ce repas pour que cela vienne l'aider pour les actions, les affaires qu'il aura à entreprendre durant la journée de Ramadan, durant la journée de son jeûne, que ce soit des actions religieuses ou des actions mondaines. إن الصيام عبادة عظيمة شريفة تشفع لصاحبها يوم القيامة. Le jeûne est une énorme adoration, une noble et grande adoration qui viendra à intercéder pour celui qui l'a pratiqué le jour du jugement dernier. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ce jour dont ni les biens, ni les richesses et ni les enfants ne seront d'aucune utilité pour la personne si ce n'est celui qui vient avec un cœur sain. في يوم الفزع الأكبر والعطش الشديد يشفع الصيام لصاحبه. Le jour des grands tourments et le jour de la grande soif, à ce moment-là, le jeûne viendra intercéder pour celui qui l'a pratiqué. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد والحاكم. وقال الألباني: حسن صحيح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne et le Coran viendront intercéder pour le serviteur le jour du jugement dernier. Le jeûne dira: ô mon Seigneur, je l'ai privé de la nourriture et de ses désirs, fais que j'intercède pour lui. Et le Coran dira: ô mon Seigneur, je l'ai privé du sommeil durant la nuit, car il pratiquait la lecture du Coran durant la nuit, fait que j'intercède pour lui. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur permettra d'intercéder. Et donc ils vont intercéder. Rapporté par Ahmed et Al-Hakim, et Al-Albani a dit: que le hadith il est bon et authentique. Inna as-sawm ibadah takunu sababan 'aziman li an yub'ad al-muslim 'an an-nar. Le jeûne est une adoration qui sera la cause, pour une des grandes causes pour que le serviteur soit éloigné, soit épargné du feu de l'enfer. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا أي 70 سنة. متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: il n'y a pas un jour dont le serviteur vient à jeûner dans le sentier d'Allah Ta'ala sans que ce jour éloigne ce serviteur du feu de l'enfer, éloigne le visage de ce serviteur du feu de l'enfer d'une distance de 70 automnes, c'est-à-dire 70 ans. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Inna Allah Azza wa Jal qad khalaqana لحكمة سامية وأمر عظيم رفيع ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى وعبادته عز وجل. Certes, Allah عز وجل nous a créés pour une raison noble, une sagesse énorme et une grande raison qui est son unicité, le monothéisme, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, de l'adorer seul sans rien lui associer. Pour son adoration à lui seul, subhanahu wa ta'ala, kama qala rabbuna wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Comme Allah notre Seigneur nous le dit bien dans le sens du verset: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Fallahu azza wa jal innama khalaqana لعبادته فخلقنا وكلفنا وجعل للصالحات جزاء هو الجنة وللسيئات جزاء هو النار. الله تبارك وتعالى nous a créés pour son adoration. Alors il nous a créés et il nous a rendus responsables de nos actes. Et il a fait, subhanahu wa ta'ala, des bonnes actions une rétribution qui est le paradis, et pour les mauvaises actions, les mauvaises œuvres, une rétribution qui est le feu de l'enfer. Nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder le paradis et de nous épargner du feu de l'enfer. I'lamu rahimakumullah anna as-sawm min afdal al-ibadat wa ajall al-ta'at. Sachez qu'Allah vous fasse clémence, que le jeûne fait partie des meilleures adorations et les plus élevés parmi les actes d'obéissance. Ja'at bi fadlihi al-athar. On a beaucoup de récits rapportés à ce sujet. Fa min fada'il as-sawm anna Allah tabaraka wa ta'ala katabahu 'ala jami'i al-umam wa faradahu 'alayhim. Parmi les mérites, les vertus du jeûne, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a prescrit au peuple d'avant nous et il leur a rendu obligatoire. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah nous dit dans le sens du verset: ô vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le jeûne, nous vous avons ordonné le jeûne comme nous l'avons prescrit et ordonné au peuple d'avant vous afin que vous soyez pieux. إن قيام الليل من النوافل التي رغب فيها الإسلام. Les prières de la nuit font partie des prières surrogatoires que l'islam a encouragé et a demandé. فقد أثنى الله تبارك وتعالى على عباده القائمين. Allah سبحانه وتعالى a fait les éloges pour ceux parmi les croyants qui accomplissent les prières de la nuit. بقوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار hum yastaghfirun. Allah nous dit dans le sens du verset qu'ils passaient très peu de temps en sommeil dans leur lit pour dormir, et durant al-ashar, qui est le pluriel de sahar, on a vu le terme tout à l'heure, c'est ce dernier moment de la nuit un peu avant le fajr, et durant ces moments-là, du moment de la fin de la nuit, ils demandaient le pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'un rabbahum khawfan wa tama'a. Et Allah, élevé soit-il, nous dit aussi dans le sens du verset qu'ils se retirent de leur lit, ils quittent leur sommeil pour s'adonner à la prière, pour prier la nuit. Ils invoquent, implorent leur Seigneur avec crainte et espoir. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram wa afdalu salati ba'da al-fariida salatu al-layl rawahu Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jeûne après celui du mois de Ramadan, c'est le jeûne durant le mois d'Allah al-Muharram. Et la meilleure prière après les prières obligatoires, c'est la prière de la nuit, rapportée par Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Ya ayyuhan nas, afshu salam wa at'imu at'am wa silu al-arham wa sallu bil-layl wa an-nas niyam tadkhulu al-jannata bisalam. Rawahu Ibn Majah wa at-Tirmidhi an Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu wa sahahahu al-Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, propagez la salutation, le salam, la salutation musulmane, le fait de dire assalamu alaykum, et nourrissez les gens, donnez de la nourriture, offrez de la nourriture aux pauvres, aux gens dans le besoin, et préservez les liens de parenté, et priez pendant la nuit alors que les gens dorment, vous entrerez dans le paradis avec paix. Rapporté par Ibn Majah et At-Tirmidhi, d'après l'honorable compagnon Abdullah ibn Salam radiallahu anhu, et authentifié par Al-Albani rahimahullah, rahimallahu al-jami'. Abdullah ibn Salam était un rabbin parmi les rabbins des juifs, un grand rabbin. Et ce hadith, c'est la première chose qu'il a entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il raconte que les gens criaient et disaient que le prophète est arrivé. Il venait de faire l'émigration. À ce moment-là, il n'est pas encore musulman. Mais c'est un rabbin, c'est un savant parmi les juifs qui suit la vérité. Et il connaît les traits du prophète de la fin des temps, alayhi salatu wassalam. Et donc, il va suivre les gens et il va voir le prophète arriver. Lorsqu'il va, pour la première fois, apercevoir le visage du prophète, sallam, il a dit: dès que j'ai vu son visage, j'ai su que ce n'était pas le visage d'un menteur. J'ai su que ce n'était pas le visage d'un menteur. Et il rentre dans l'islam. Et la première chose qu'a dit le prophète sallam à ce moment-là, c'est cette parole-là: Ya ayyuhan nas, afshu salam, wa at'imu at'am, wa silu al-arham, wa sallu bil-layl, wa an-nas niyam, tadkhulu al-jannata bisalam. Puis il va entrer dans l'islam. Et il était très respecté, Abdullah ibn Salam. C'était un homme d'une lignée noble chez les juifs, chez les hébreux. Et il va dire au prophète sallam: ne leur dis pas que je suis entré dans l'islam. Attends, patiente un peu. Appelle-les et demande-leur qui je suis parmi eux. Quelle est la place que j'ai chez eux. Et quand le prophète sallam va leur demander aux juifs: il est quoi pour vous, Abdullah ibn Salam? Et ils vont dire: il est le meilleur d'entre nous, de la bonne lignée. Ils vont parler en lui en bien. Puis Abdullah va faire l'attestation de foi devant eux. Et là, ils vont revenir sur leurs paroles et dire tout le contraire. Subhanallah. En quelques secondes, subhanallah, ils ont changé d'avis. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont entendu faire la shahada. Mais là, c'était Abdullah ibn Salam pour montrer au prophète: regarde la réalité de ces gens. Voilà ce qu'ils ont dit il n'y a pas très longtemps. Et voilà ce qu'ils disent maintenant. رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous vous devez de pratiquer, d'appliquer les prières de la nuit, car c'est la bonne habitude des gens vertueux d'avant vous. Et c'est un moyen de se rapprocher d'Allah Ta'ala. Et c'est une action qui va vous empêcher, qui vous aidera à vous éloigner des péchés. Comme Allah dit dans le Coran: Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière interdit, c'est-à-dire celui qui l'accomplit de la meilleure manière, convenablement, elle va l'aider à s'éloigner des péchés et des mauvaises actions. Et c'est aussi un moyen de se faire expier les péchés. La prière de la nuit, elle fait effacer les péchés. Et bien sûr, comme les ulama nous l'expliquent, dans des sujets, il faut réunir tous les textes similaires qui vont dans le même sujet. Et lorsqu'on regarde les textes, il est bien précisé que les bonnes actions qui effacent, qui expient les péchés, il est voulu par péché les petits péchés, pas les grands péchés. Les grands péchés, il faut en faire la demande à Allah Azza wa Jal. Il faut se repentir à Allah Azza wa Jal et demander à Allah le pardon et qu'Allah efface ce grand péché. Mais les petits péchés sont innombrables. On les fait volontairement et involontairement, on tombe dedans. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa bonté, il nous les enlève, il nous les efface par les bonnes actions qu'on accomplit. Comme lorsqu'il dit, alayhi salatu wassalam, d'un vendredi à un vendredi, d'un ramadan à un ramadan. Donc, tous les petits péchés commis entrent, ils sont pardonnés, effacés. Les pas qu'on fait pour aller à la mosquée, chaque pas que tu fais, et ainsi de suite. Tous ces textes qui nous parlent, par les bonnes actions qui effacent, ils effacent les petits péchés. Et ça, c'est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a fait à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل. Et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, jamais il ne laissait ou ne délaissait les prières de la nuit. وهو مشروع في جميع العام ويتأكد استحبابه في شهر رمضان المبارك. Et les prières de la nuit, qu'on appelle tahajjud, qu'on appelle qiyam al-layl durant l'année, et même durant Ramadan, et puis depuis un certain temps, on appelle pendant Ramadan, on l'appelle Tarawih. Mais c'est des noms qui parlent de la même prière, les prières de la nuit. Les prières de la nuit sont légiférées durant toute l'année, mais sont encore plus recommandées durant le mois béni de Ramadan. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. D'après Abu Huraira رضي الله عنه qui dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui accomplit la prière de la nuit durant le Ramadan avec foi et conviction, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Imanan, avec foi, c'est-à-dire qu'il accomplit cette action parce qu'il s'acquitte d'un devoir divin, d'un devoir qui lui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait que accomplir un ordre d'Allah et un ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Il accomplit une action car il sait qu'elle lui est demandée par Allah et par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wahtisaban, avec conviction, il n'attend de cette action-là que la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne recherche par là aucune récompense mondaine. Il ne recherche que le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, la satisfaction d'Allah azza wa jal et la récompense et la rétribution auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Min al-ulama man qala anna al-afdal أن يصلي القيام في رمضان في المسجد مع الجماعة. Parmi les savants, parce que la prière de la nuit durant le Ramadan, quelqu'un peut l'accomplir seul chez lui. Mais certains savants ont dit que le mieux pendant Ramadan, à la différence des autres moments de l'année, c'est de le faire, le mieux de le faire à la mosquée en groupe, avec le groupe des musulmans, d'accomplir la prière de Tarawih. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. Il y a ce hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, celui qui accomplit la prière de la nuit avec l'imam, c'est-à-dire durant le ramadan, les prières de Tarawih, jusqu'à que l'imam ait terminé. Il lui est écrit les prières de la nuit pour toute la nuit complète. C'est comme s'il avait prié toute la nuit sans s'arrêter, complètement. Voilà la valeur de celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce que l'imam il ait terminé. Donc l'imam, il fait le nombre de rak'a qu'il fait, il termine avec le witr, la rak'a toute seule, la personne elle prie derrière lui complètement. Pas comme certains ils font. Ils font une partie et puis ils s'en vont, ils pensent bien faire. En ne terminant pas avec l'imam, alors ils perdent cette grande récompense. Cette récompense qui est d'avoir terminé avec l'imam, il lui est écrit la prière de la nuit pour toute la nuit complète, jusqu'au fajr. Le hadith rapporté par Abu Daoud et al-Tirmidhi et authentifié par l'Albani. Wa waqtu salati al-layl min ba'di salati al-isha ila al-fajr. Les prières de la nuit, et entre dedans la prière de Tarawih, elle commence et elle débute après la prière de l'Isha. Son temps, il commence après la prière de l'Isha jusqu'à l'heure de l'Fajr. Jusqu'à l'heure de l'Fajr. Pas comme certains qui s'éloignent des textes religieux et qui, soi-disant, pour faciliter, ils vont à contredire la religion. Jamais la facilité acceptée en islam, c'est de contredire la religion. La religion en elle-même, comme Allah il l'a révélé, c'est la facilité. Puisqu'Allah il nous le dit. Yuridu Allahu bikum al-yusr. Allah il veut pour vous la facilité. La religion en elle-même, elle est facile. Et ceux qui cherchent plus facile que facile, ceux-là à la fin, où est-ce qu'ils vont en arriver? Qu'Allah nous préserve, peut-être même à quitter l'islam. Qu'Allah nous préserve de tout mal. On a entendu des gens dire vous pouvez faire Tarawih entre le Maghrib et l'Isha. Depuis quand on fait le Tarawih entre le Maghrib et l'Isha? Ça n'existe pas. Il y a un temps où commence le Tarawih, les prières de la nuit, c'est après Salat al-Isha. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam inna Allah zadakum صلاة وهي الوتر فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah vous a rajouté une prière qui est la prière de l'witr. Les prières de la nuit, on l'appelle aussi l'witr, car au final elle est impair. Le terme witr en arabe, en français, c'est impair. Donc, ça peut être 1, 3, 5, 7, 9, etc. Au final, c'est impair. On l'appelle witr. Priez-la, donc la prière de la nuit, entre salat al-isha jusqu'à l'heure de l'fajr. Donc, après salat al-isha, et ceci, le son temps y va jusqu'à l'heure de l'fajr. Rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par l'Albani. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين